On parle encore et toujours d'étrangers, d'immigration. La chanson qui vient évoque l'histoire d'un de ces hommes qui est parti un jour de chez lui, poussé par la misère, qui est venu ici pour construire nos routes, nos immeubles et nos métros. Traverser des villes et des rivières pour chercher une terre. Vécu d'exil aujourd'hui comme hier, parti comme mes frères. Au bout d'une vie pleine d'absence, de travail en silence, comme inutile en vacances, loin des sourires de nos enfances. À l'heure des jours où la douceur du soir venait chauffer nos âmes, on se retrouvait nos cœurs nourris d'espoir pour se raconter nos flammes. À l'ombre des murs de la place, déjà nos mères savaient nos traces. Comme une blessure, une menace sur une terre que la vie chasse. À l'heure du marchand de glace qui passe et qui repasse, collé au banc sur la place, on voulait voir nos vies en face. Croiser les bonheurs de paillettes qui vous prennent puis vous jettent. C'est écorché à des fleurs d'amourette qui laissent les cœurs en miettes. Dans ces couloirs de faïence qu'on est venu faire en silence, nos enfants brûlent d'impatience, perdus. Collés au banc sur la place, ils voudraient voir leur vie en face. Assis seul sur la place, je regarde.